là où tout et toi aussi, tu fais tourner ta vie dans le tourbillon du temps qui passe inlassablement comme les cerceaux qui s'enroulent sur les hanches des enfants. Valse, valse, le temps béni qui donne un sens à ta vie et dépose sur ton cœur tous les instants de bonheur. Et tant pis si le vertige te fait peur, te paralyse. Fais-toi bercer l'insouciance dans le doux cocon des anges. Et que brille dans le ciel la chaude clarté du soleil, que bourgeonne et papillonne mille au bois et mille viols, mille parfums de musique sur une porte élastique. Bat tes bottes dans l'atmosphère, tout là-haut dans l'univers. Oh, là où tout et toi aussi, tu fais tourner ta vie dans le tourbillon du temps qui passe inlassablement comme les cerceaux qui s'enroulent sur les hanches des enfants. Valse, valse, le temps béni qui donne un sens à ta vie et dépose sur ton cœur tous les encens de bonheur. Et tant pis si le vertige te fait peur, te paralyse. Marche droit sur ton chemin, tu verras plus clair demain. Oh, la roue tourne. Comme les cerceaux qui s'enroulent sur les hanches des enfants. Sur les hanches des enfants. Sur les hanches des enfants. Sur les hanches des enfants.